parle pas trop car on sait jamais. Même ton genou ne m'arrive pas aux genoux. Je fais les choses comme je veux, je les baisse tous, je m'emballe. Oui, je m'emballe quand c'est tout le monde vient parler. Oui, le beat t'emballe, alors bouge ton boulet. Si le videur te regale, j'ai dit va, fin cool. Regarde ma vie, j'ai traîné, je me retrouve à la télé. Dans mon check, je fais des délits, dans mon délire, pour t'adhérer. Si tu m'aimes pas, dis-le moi, jamais dit que je dis le moi. Mes potes ils sont pas bien, je sais pas combien de kilos moi. Elle me joue la jure, elle me fait la réserver. Vu son passé, je peux pas la préserver. C'est ton ami, mais à quoi il te servait? Maintenant, à ce qui paraît, il te cherche, on est servi. C'est ton pote que j'ai rien à prouver. Je me sers de ce que j'ai trouvé. Je rampe terre-terre si tu veux me faire taire. Poto, tu me cherches, des gros, je suis pas dur à trouver. Je donnerais plus, crois-moi si je pouvais. Pour traiter poto, moi j'en connais beaucoup qui tueraient. Je fais ce que je peux comme je veux pour les potos depuis le début. En plus, c'est les gawanés qui envoient la purée. Suffit pas de dire les choses, faut assumer. Suffit pas de faire les choses, faut assurer. On reconnaît les vrais potes sur la durée. Même devant les jurés, rien ne sert de jurer. Je trouve pas le sommeil, j'ai pris sur le produit. La porte était fermée, je suis passé par le conduit. Tous des mythomanes ne croient pas tout ce qu'ils t'ont dit. Poto, on fait comme on veut, on se fout de ce que t'en dis. Tu peux pas nous tester, sur le beat on est trop carré. Allez-y, remballez. Bip bip, on arrive comme il faut aller. Petit pas de danse, on arrive trop fêlé. Il fait le fou, te casse pas la tête, fais-le. Mais quand tu le vois dans la rue, mais lui. Moi c'est free sur le son, je me promène. Plus de haine que de sang dans mes veines. Tu te montes, mais pourquoi pas la peine. T'es rentré, faut que t'assumes, fais ta peine. J'trouve pas le sommeil, parce qu'il manque de l'oseille. C'est la dalle qui te réveille, moi mon frère c'est pareil. Hey yo, on y va doucement. J'en ai mis du monde à corps poteau depuis ce temps. Arrêtez le rap les gars, vous perdez votre temps. Pour les MC morts, je demande un instant. T'entends, tout niqué dans le game, la famille c'est tentant. Dans les ruelles de ma ville, raison n'est pas en pain. Et si tu veux l'oseille, va braquer en 4 ans. On vient reprendre le game, c'est ce qu'il fallait, fallait. Déterminé comme dans les dom, dom. Sap, t'es un voyou, ouais, allez, allez. Les gars, on est best que des beaux noms. Direction la jungle, ouais, on décolle. Monte pas trop le ton, tu vas goûter le sol. Ça kick sur du rap, du rail, du den, sol. Quoi, t'as fait du buzz, laisse-moi rire, lol. Tu dis que c'est ton frère, tu l'aimes trop. Mais pourquoi tu donnes le go? On sait que ta faim, t'as les crocs. Mais pourquoi tu me fais le gros? Bouge tes fesses. Allez, wiggle, wiggle. J'aime trop le sexe. Devant ton bout, je bigle. Vas-y, déstresse. Pour toi, j'en roule un big. Faut pas que tu te vexes, sinon je te nexe. Mais non, je rigole. C'est pas pour noyer mes sentiments que tout le temps je picole. Mon âme est sombre et oui, bien. J'ai ton corps que je picore. Et je suis ma cœur. J'accompagne de ma corde. J'aime comme mal les cacher dans un monde où elle s'accroche. Dans le ghetto, c'est call-off. Ça refait Tony pour un billet mof. Ça l'économie en manque de love. J'te le dis, mon pote, ça bise à mort des filles. De but s'occupe de ma life. Sur la piste Bella se balade. Je vois la lune de l'ouest sous votre cas. Demande à âme une vie de malade. Tu caca calé dans mon carré. J'suis pété, elle vient me parler. C'est 4 heures envie de me barrer. Je me retrouve pété sur le jarret. Vida loca, la vie des tarés. Donne la photo et donne le tarot. Envoie le mandat et paye l'avocat. Reste pas trop là, y'a que des paros. Tu dis que c'est ton frère, tu l'aimes trop. Mais pourquoi tu donnes le goût?